Donc, par rapport à Sourate Al-Kafirun, dans cette sourate, yani bien évidemment une sourate de Tawhid, qui parle de Tawhid. C'est pour ça qu'elle a été appelée sourate Al-Ikhlas. Comme vous savez, mes frères, Tawhid Al-Rububiyya, c'est quelque chose que les mécréants reconnaissaient. Ils attestaient l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ils savaient que le seul créateur et le seul pourvoyeur et le seul qui accorde la subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème qu'ils avaient, c'est au niveau de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ils reconnaissent Allah comme unique Seigneur, mais ils adorent avec lui d'autres divinités inventées. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le serviteur ne devient mouahid qu'avec l'unicité de l'adoration. C'est pour ça que cette sourate, elle parle de l'unicité dans la pratique. L'unicité dans la pratique. Et sourate l'ikhlas, qul huwallahu ahad, elle parle de l'unicité dans la croyance. C'est pour ça les deux sourates se complètent. Sourate l'Ikhlas, c'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comporte les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Kuffar Quraysh ont demandé au prophète sallam de leur décrire Allah, Allah a révélé qul huwa Allahu ahad. Tu veux connaître qui est Allah? Allah est unique. Allahu samad. Celui qui se suffit à lui-même et qui se passe de toutes ses créatures. Alors que toutes ces créatures ont besoin de lui. Celui qui n'a pas été engendré. Celui qui n'a pas engendré ni n'a été engendré. Celui qui n'a point d'égal ni de semblable de toutes ces créatures. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux savoir qui est Allah. Donc, vous constatez que c'est des croyances. Mais par contre, sourate al-Kafirun, c'est un désaveu de l'associationnisme dans la pratique. C'est unifier Allah avec les adorations dans les actes. Donc ça, c'est tawhid al-amali. Et l'ikhlas, qul huwallahu ahad, c'est tawhid al-i'tiqadi, comme on dit en arabe. Donc ces deux sourates se comportent. Vous savez qu'il y a des savants qui disent Tawhid est de deux catégories. At-Tawhid al-Ilmi wa At-Tawhid al-Amali. L'unicité d'Allah est de deux catégories. L'unicité scientifique, qui comporte l'unicité de la seigneurie et l'unicité dans les noms et les attributs. Et l'unicité, la deuxième catégorie, l'unicité pratique, qui comporte l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, sourate al-Kafirun, elle aborde l'unicité d'Allah dans la pratique, c'est-à-dire l'unifier avec l'adoration. Et qul huwa Allahu ahad, elle comporte l'unicité d'Allah scientifique dans les croyances.